baby, je ne trouve pas les mots pour te dire tout ce que j'aimerais faire dans l'avenir. Forcément, tu seras l'héroïne de mes rêves. Carrément, il faut que tu coules dans mes veines. Il aurait vraiment fallu t'inventer si tu n'existais pas. Que serait devenue la terre sans sou et sans vie, sans toi? C'est impossible de revenir sur mes pas quand je sais que tu es là. Tu es mon oxygène, ma bouffée d'air. J'aime la vie.